Chapitre 10. Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel. Il était enveloppé d'un nuage et avait un arc-en-ciel autour de la tête. Son visage était comme le soleil, et ses jambes étaient comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Après qu'il eut crié, les sept tonnerres répondirent dans un grondement. Dès qu'ils eurent parlé, j'allais me mettre à écrire. Mais j'entendis une voix me dire du ciel, « Tiens secret ce que les sept tonnerres ont dit, ne l'écris pas. » Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel et fit un serment au nom du Dieu qui vit pour toujours, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et tout ce qui s'y trouve. L'ange déclara, « Il n'y aura plus de délai, mais au moment où le septième ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu accomplira son plan secret, comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Puis, la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces mots, « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et mange-le. Il sera amer dans ton estomac, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de sa main et le mangeai. Dans ma bouche il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, il devint amer dans mon estomac. On me dit alors, « Il faut une fois encore que tu annonces le message de Dieu qui concerne beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. »